En Biélorussie, le Parti des travailleurs communistes, l'Association nationale des amis du peuple coréen Kim Il-sung, Kim Jong-il et le Rassemblement social national pour la Fédération et le Parti communiste de la Fédération ont publié une déclaration commune à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire de la Corée socialiste dans la guerre de libération de la patrie.